stay in this bathroom overnight. Overnight is my world. Oh, hey, overnight is my world. It's my world, city light, painting good. In the day, nothing's matter. It's the night, time flies. Il y a un problème. Charlie, nous avons un problème. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Manque un synthé là. Ça coupe la connexion. Il y a mon wifi qui se barre. It's my world, city light, painting girl. In the day, nothing's matter. It's the night, time to flatter. In the night, no control. Through the wall, something breaking. Wearing white as you're walking. Through the streets on my soul. Alors on va le refaire. J'ai capté le truc. J'ai capté. Je vais le reprends au début, en fait, je vais faire le refrain. The night is my world. C'est pas ma tonalité, ça. Monsieur Donati au clavier. la basse. Bon, une basse un peu particulière. Version remixée de la basse. Ah là, ça a l'air mieux là. Take my self-control. La guitare là, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Tu sais pas faire ça? Le mec, un synthé. 2, 3, 4. Merde, j'ai pas toutes les pistes. J'ai pas toutes les pistes, attends. Et voici MRZ. MRZ. MRZ, il connaît cette chanson. Mesdames et messieurs, est-ce que vous allez garder votre sang-froid ? Que vous gardez votre sang-froid dans la vie. Non ? You take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, story told. You take my self-control. Never day, never die. I never stole myself to wander right. Help me to forget to play my role. You take my self-control. Allez! Allez, sortez les synthés, les gars. Faites péter les synthés lides. Sortez la guitare. Y'a bien un guitariste qui va me faire la rythmique quand même. Non, y'a pas de guitariste ce soir. Y'a pas de guitariste ce soir. Alors on va refaire l'enfant. Le refrain, c'est facile. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes the story told. You take my self-control. Another night, another day goes by. I never stole myself to wander right. You take myself, my self-control. Est-ce qu'on vous prend votre self-control dans la vie? C'est Monsieur Macron qui a gardé son self-control. Il le garde. Personne lui prend son self-control. Allez, chantez avec moi. You take my self-control. You take my self-control. Before the morning comes the return. You take my self-control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role. You take my self-control. Allez, allez, les gars. C'est bien. Ah bah y a la guitare. Personne ne fait la guitare. We'll be right back. Paris.